Aimez-vous George Brahms ? De Marcus Malt. C'est là ? C'est là. Je reviens. En entendant des pas s'approcher, Henri, le réceptionniste, ajusta son nœud de cravate, tira sur les manches de sa veste et plongea le nez dans son registre en s'efforçant de prendre un air occupé. Bonjour. Aurait-il eu un semblant de culture cinématographique ? Il n'aurait pu s'empêcher de penser à Hitchcock en découvrant la femme qui venait de faire son entrée. Madame ? Madame Brahms, j'ai réservé une chambre. Brahms. Tailleur dans les tons gris, classique, escarpin, lunettes noires sur le nez et les cheveux pris dans un foulard, elle faisait immanquablement songer à ses héroïnes de films des années 50. Si sage d'aspect, si troublante. Mais le septième art n'était pas le fort d'Henri. Non plus que les six autres. Oui, tout à fait. Une chambre double pour deux nuits, c'est bien ça ? Avec vue sur le lac. Naturellement. Des bagages, madame ? Oui, je vais avoir besoin d'un coup de main. Tout de suite. Je vous appelle quelqu'un. Henri appuya sur le bouton, et dans les 5 secondes qui suivirent, un jeune homme apparut dans le hall. Il avait peut-être 18 ans, mais ne les faisait pas. Et sa veste était un peu trop vaste pour lui. Bonjour. Franck, s'il vous plaît, occupez-vous des bagages de madame. Je crois que vous ne serez pas trop de deux. Deux ? Telle une chenille velue qui soudain se cabre, le sourcil droit du réceptionniste à ces mots se haussa. Puis, en bon élève de l'école hôtelière qu'il fut, Henri redessina promptement le sourire affable qui sied à sa profession. Très bien, madame. Nous vous suivons. Dans l'imposant coffre de la Land Rover, les deux hommes s'attendaient à trouver une tonne de bagages, sacs, malles, valises, vanity. Le strict nécessaire dont ce genre de cliente n'aurait évidemment pu se passer une seule journée. Or, le coffre était vide. Ou presque. Il faudrait sortir ça. Faites attention, c'est assez lourd. Ils furent surpris en effet par le poids de l'objet. Un fauteuil roulant. Mais pas l'un de ces fauteuils dernier cri que l'on peut plier en tous sens et ranger quasiment dans la poche. Non. Ce fauteuil-là, c'était du solide, du massif, du sur-mesure. Une sorte de trône en définitive. S'ils avaient demandé à Deborah Brahms la raison de ce choix, elle leur aurait répondu : le confort, ça n'a pas de prix. Elle ouvrit grand la portière, côté passager, et positionna le fauteuil perpendiculairement à la voiture. Un homme s'y glissa. Bonjour, messieurs. Instinctivement, et en parfaite synchronisation, les deux employés inclinèrent le buste pour une esquisse de révérence. Monsieur ? Un monsieur qui sonnait comme majesté. Permettez ? Non, laissez. J'aurais seulement besoin de votre aide pour le petit escalier là-bas. 4 marches à peine qui donnèrent un mal de chien aux deux hommes arc-boutés de chaque côté du fauteuil. George Brahm se laissa porter sans un mot. Il avait perdu depuis longtemps ce sentiment de gêne, voire de culpabilité, consécutif à sa dépendance. L'argent était pour beaucoup dans ce détachement. L'argent et la puissance qu'il procure. Le pouvoir, une espèce de légitimité. Il n'y a comme pour tout que 2 catégories d'infirmes. Les riches et les pauvres. Le poids qu'il pèse n'est pas le même. L'hôtel sera très bientôt équipé pour les personnes à mobilité réduite. Ce serait une bonne chose. Deborah Brahm s'exprimait avec douceur. Voici les clés. Elle n'avait pas ôté ses lunettes noires. L'ascenseur est par ici. Hormis le fauteuil, elle n'avait pour charge qu'un sac en cuir de la taille d'une gypsière. Franck va vous accompagner. Inutile. Nous trouverons, ne vous inquiétez pas. Bien. Dans ce cas, monsieur Brahms, madame, nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre établissement. Merci. Merci. Brahms, comme les jeux vidéo? C'est beau. Oui. Paisible. Oui. Par-delà la baie vitrée, on pouvait voir une forêt, au centre de laquelle s'ouvrait un petit lac aux dimensions d'un étang, comme une clairière liquide. De grands arbres se réfléchissaient sur la surface qu'aucune onde ne troublait. George Brahms n'avait jamais su les noms des arbres. Tu connaissais cet endroit ? Oui. Déborah, ma femme. Et je ne sais rien d'elle. Tandis que moi... Moi... Je sais tout de toi. Entrez. Madame, votre... L'espace d'une seconde, le jeune Franck crut rêver. La femme était debout, face à lui. Elle avait ôté ses lunettes noires et le considérait avec des yeux violets. Violets, Seigneur. Sur le coup, il faillit en lâcher son plateau. Et maintenant, il ne pouvait s'empêcher de la dévisager, avec un mélange de fascination et de crainte. Entrez. Vous pouvez poser ça ici. Elle savait ce qu'il ressentait. 100 fois, 1000 fois la même expression sur les visages face à elle. Elle lui sourit, gentiment, presque humblement. Désirez-vous autre chose ? Oui. À partir de maintenant, veillez à ce que nous ne soyons plus dérangés. Bien, madame. Sous aucun prétexte. Personne ne ment, sauf si c'est moi, personnellement, qui l'ai demandé. Bien, madame. Je peux compter sur vous, Franck ? Oui, madame. J'y veillerai. Parfait. Tenez. Oh, madame, Je vous en prie. Bonne journée, Franck. Merci, madame. Bonne journée. Déborah Brahms se tint un instant devant la porte. Immobile. Presque absente. Puis elle retourna lentement vers son mari, en dénouant le foulard qui lui emprisonnait les cheveux. Ses boucles châtains, enfin libérées, se déplièrent et roulèrent jusqu'au bas de sa nuque. Tu as acheté ce garçon ? Ce n'est pas bien. Je ne l'ai pas acheté. Crois-tu que j'aurais eu besoin d'argent pour ça ? Je tiens à ce qu'on nous laisse tranquilles, seuls, toi et moi. En amoureux ? Oui. De jour et de nuit, rien qu'à nous. Rien que nous. Cela n'était pas arrivé depuis... longtemps. Et cela n'arrivera plus. Tu en parais si certaine. Je le suis. Alors nous en sommes là. Oui. Tu as faim ? Tu veux manger quelque chose ? Non. Pas tout de suite. Le plateau qu'elle avait commandé était essentiellement composé de mets froids. Crudités, charcuterie, foie gras. Et de bouteilles de vin. Avait-elle ajouté. Du vin rouge. Ce que vous avez de meilleur. Déborah Brahms fit pivoter le fauteuil roulant. Elle le poussa contre le bord du lit et commença à déshabiller son mari. Il se laissa faire. Lorsqu'il fut totalement nu, elle tira la couverture d'un coup sec et l'aida à s'étendre sur le drap frais. Maintenant, je vais te tuer, mon amour. La veste du tailleur glissa sur ses épaules. Je vais te baiser comme on ne t'a jamais baisé. Jamais. Tellement, tellement d'amour que ton cœur ne pourra pas tout contenir. Ton cœur explosera. La jupe glissa le long de ses jambes. Sa voix se faisait toujours plus douce, plus suave, plus émouvante. Je vais te remplir d'amour et te vider de tout le reste. Ton suc, ta sueur, ton souffle. Ton dernier souffle sera pour moi. Je veux le recueillir entre mes lèvres. Je vais te baiser jusqu'à ce que tu en crèves. Tu vas mourir d'amour, l'amour. Mourir d'amour. Tous ses vêtements se détachèrent un à un et nappèrent le sol comme une pluie de feuilles d'automne. Ses bijoux échouèrent sur la table de nuit avec ce petit bruit sec des secondes qui s'égrènent. Et son corps, à mesure qu'il se dévoilait, semblait retrouver toute sa pureté et tout son sens. L'évidence même. Dans la timide lumière de cette fin de matinée, ce fut comme une lente révélation. Deborah Brahms ne conserva que son alliance. Tu crois peut-être connaître le plaisir, la jouissance, l'extase. Ses pieds venaient de se soulever, abandonnant sur place les escarpins, comme deux petits objets désuets, incapables désormais de la retenir sur terre. Tu crois connaître la joie, le bonheur, la souffrance, mais tu ne connais rien. Deborah Brahms enjamba son mari et s'assit à califourchon sur lui. Elle passa les bras autour de sa tête. Elle se pencha et passa la langue sur ses lèvres. Elle lui lécha le menton, le cou, les joues, les paupières. De longues caresses humides qui lui brûlaient la peau. Mon pauvre ange, tu vas regretter, tu sais, d'avoir conservé le visage de ta merveilleuse queue. Elle releva soudain le buste, comme si elle réalisait ce qu'elle venait de dire. Ses yeux violets, brillants, scrutaient ceux de son mari. Ses seins lourds et pleins se soulevaient doucement au rythme de sa respiration. Non. Ah non, tu ne regretteras rien. Brusquement, Georges Bram se dressa à son tour et saisit à pleine main les seins qui s'offraient à lui. Il y enfouit la figure et inspira tout son soul, comme pour s'enivrer de leur chaleur. Deborah Brahms se rejeta la tête en arrière et son regard transperça le plafond comme pour s'en aller quérir le ciel. C'était le vendredi matin à 11h30. Le lendemain, à la même heure, Georges Brahms comprit que son épouse ne plaisantait pas. Il allait mourir. Pour de bon. Mourir d'amour. Il se demandait même comment il avait pu en douter. Il suffisait de la regarder, là, maintenant. Deborah Brahms sortait tout juste de la douche. Elle était nue, debout au milieu de la chambre. Elle buvait, à même le goulot. Le vin coulait dans sa bouche, dans sa gorge. Une attitude et des manières que Georges Brahms aurait trouvées vulgaires chez n'importe quel être au monde. Chez sa femme, cela n'était pas. On ne s'endort pas, mon amour. Georges Brahms se sentait comme enseveli. C'était ses premières minutes de répit depuis la veille. Ils avaient fait l'amour. Beaucoup. Il n'avait fait que ça. Chaque fois qu'il s'était senti partir, sombrer dans un sommeil libérateur, elle l'en avait arraché par d'exquises et savantes caresses et par ces mots d'une divine obscénité. Elle lui refusait cette délivrance. Elle ne voulait pas de ce sommeil-là. Attends. Attends, mon ange. Encore un peu. Une vague d'émotion submergea Georges Brahms. Il aimait sa femme, en cet instant plus que jamais. Il s'en voulait d'avoir pris ses dires à la légère. Il lutterait de toutes ses forces pour se montrer à la hauteur. Ça va venir, mon amour. Je te promets. Même à présent, il avait l'impression de sentir encore le poids de son corps sur lui. Lourd, de plus en plus, pesant sur sa cage thoracique, et rendant sa respiration difficile. L'air sifflait entre ses narines. Un frêle filet d'air. Tu as soif, peut-être ? Georges Brahms n'était déjà plus qu'un gisant, dont les ultimes bribes de vie, les dernières palpitations, étaient concentrées en son sexe. Et Deborah Brahms, ainsi qu'elle l'avait annoncé, boirait cette vie comme elle buvait ce vin, au goulot, jusqu'à la lie. Tu veux boire, toi aussi ? Par la fente de ses paupières, il entrevit une goutte de vin, à peine plus pâle que du sang, coulant le long de la bouche de sa femme, le long de son menton, le long de son cou, pour finir sa course sur l'aréole de son sein. Presque aussitôt, il entendit sa voix tout près. Tiens, c'est pour toi. Deborah Bram souleva la tête de son mari et lui plaqua les lèvres contre sa poitrine. Bois, mon bébé. Le parfum de sa chair, l'odeur du vin. George Brahms laissa échapper une sorte de grognement, plainte ou acquiescement, d'une extrême faiblesse. Il ferma les yeux et se mit à téter par réflexe. C'est ça, mon amour. Bois. Le dimanche matin, à 9h et des poussières, George Brahms était mort. Lorsque son pouls eut cessé de battre, Deborah Brahms s'allongea non pas contre, mais sur son corps, une dernière fois. Elle posa la joue sur ce cœur désormais inanimé, et des larmes embuèrent ses iris violets. Des larmes épaisses et claires qui roulèrent bientôt sur la poitrine de son mari, formant comme un lac miniature au creux de son plexus solaire. Crise cardiaque. C'est pour ça qu'on se dérange. Une idée de notre bien-aimé patron. Soit il couvre ses arrières, soit il a flairé quelque chose de pas net là-dessous. Le client n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire George Brahms. Brahms? Comme les montres? Curieux. Pour le lieutenant Rose, ce nom évoquait avant tout les envolées romantiques d'une symphonie en do mineur. Entre autres. Son empire s'étend de l'horlogerie à la cosmétique, en passant par l'électronique et les jeux vidéo pour adolescents attardés. Le lieutenant Collier accusa le coup sans broncher. Son collègue l'ignorait, mais lui-même ne dédaignait pas tripoter la console de ses fils quand ceux-ci étaient couchés. Bref, encore un qui manque de rien. Sait-on? Davantage que le rire, le manque n'est-il pas le propre de l'homme? Bien sûr, cela n'était pas une question. Juste une de ces abstruses réflexions dont le lieutenant Rose avait le secret. Ces ramades, ainsi que les appelait Collier en son fort intérieur. Les deux hommes faisaient équipe depuis 4 ans, une fine équipe. À 7h, leur 307 banalisé fonçait sur la file de gauche d'une autoroute désertique. Qu'est-ce qu'on est censé faire, juste? Fureter un peu, voir s'il n'y a rien qui cloche. La mort de Brahms va faire beaucoup de bruit dans les jours à venir. Et s'il s'avérait qu'elle ne soit pas aussi naturelle qu'elle en a l'air, ce serait une bonne chose pour nous d'être les premiers à le découvrir. Bon coup de pub pour le boss, c'est ça? C'est une autre façon de voir. C'était le lieutenant Collier qui conduisait, invariablement. Cela faisait partie de ces choses, comme le vouvoiement entre eux, qui ne se disent pas mais se font, sans concertation, sans déroger. Collier au volant, Rose à la place du mort, comme si leurs initiales avaient été brodées d'avance et à jamais sur leurs sièges respectifs. Des soupçons? Des suspects? Pas de si grands mots pour l'instant, lui. A priori, non. La seule personne présente au moment du décès était Deborah Brahms, la femme du défunt. Ils étaient mariés depuis quelques mois. Quelques mois? 4, pour être précis. Moi, c'est pas de pauvre. Eh oui. Deborah. C'est un prénom de pute, ça. C'était aussi pour ce genre de réflexion, stupide autant que spontanée, que le lieutenant Rose appréciait son jeune collègue. Dans le petit monde clos du commissariat, on l'avait surnommé Cyrano. Non pas que le lieutenant Collier fût un adepte de l'alexandrin, mais comme l'autre, il était natif de Bergerac. Comme l'autre également, il montrait un esprit franc et volontiers frondeur. Et puis... Surtout, ce nez. On a quelque chose sur elle? Cette Deborah, qu'est-ce qu'on a sur elle? Rien, absolument rien. Du moins pour le moment. J'ai demandé à Ledin de s'en occuper. Très bien. Il trouvera. Peut-être. Sûr. Ledin, est le croisement d'une fouine et d'une puce électronique. Il trouve toujours. Excepté lorsqu'il n'y a rien à trouver. M'étonnerait. Tiens, il y a 2 minutes à peine, c'était un simple infarctus, et maintenant, on se range déjà à l'avis de ses supérieurs, lieutenant. Je suis certain que notre bien-aimé patron apprécierait. Je réfléchis, c'est tout. Eh, je me dis que c'est quand même un peu gros, le coup de la crise cardiaque. La Déborah se pointe, séduit le milliardaire, juste le temps de devenir son épouse et sa veuve quasi dans la foulée. Personne n'a prétendu que leur union était récente. Ils se sont mariés il y a peu, certes, mais ils sont peut-être ensemble depuis plusieurs années. Encore mieux. Pourquoi tout à coup ce besoin d'officialiser la chose ? Madame se fait passer la bague au doigt, et comme par hasard, le mari meurt 4 mois après. Et pour qui la grosse galette ? Pas pour elle, en tout cas. Comment ça, pas pour elle ? Et l'héritage ? Me dites pas que ce type a tout légué aux bonnes œuvres, ou à une de ces saloperies de sectes du genre Scientologie et compagnie. Aux orphelins de la police nationale, figurez-vous. Quoi ? S'il vous plaît, Collier, sur vos 2 yeux, gardez-en au moins un pour la route. Hein ? Les biens de M. Brahms iront tout simplement à son fils, Frédéric Brahms, né d'un premier mariage. Brahms a divorcé il y a plus de 15 ans. Le garçon et sa mère résident actuellement à New York, États-Unis. Ouais, ça je sais, merci. Vous savez ? Je sais que New York se trouve aux États-Unis, oui. Par contre, j'ignorais que Brahms avait un fils et une ex-femme qui vivaient. Ah. Et comment j'aurais su ? Vous m'avez réveillé ce matin à 10h pour me dire de passer vous prendre à 10h30, et vous ne m'avez même pas donné l'identité du mort. À moins d'être devin, je vois mal comment j'aurais pu le savoir. Bien sûr, bien sûr. Moi-même, j'ai eu énormément de mal à obtenir ces informations, pourtant primordiales dans un cas comme celui-ci. Si vous saviez. Il m'a fallu rester au moins 3 minutes au téléphone avec le dame. La route, lieutenant. Rose avait peur en voiture. C'était l'une de ses faiblesses, sinon la principale. Le lieutenant Collier ne l'ignorait pas. Il serra un peu plus fort le volant entre ses doigts et appuya à fond sur la pédale d'accélérateur. Ok. Je prendrais bien un petit café, pas vous ? Qu'est-ce que vous faites ? On nous attend à l'intérieur. Temps gris, sans un souffle d'air. Le ciel se mire dans l'eau du lac. Ou est-ce le contraire ? On ne sait plus. J'en pince pour l'éternité. Pardon ? Regardez. Un bel endroit pour mourir, vous ne trouvez pas ? Les yeux du lieutenant Collier balayèrent le paysage en un rapide arc de cercle. En 2 secondes, c'était vu. Non, pas plus ici qu'ailleurs, à mon avis. Bon, on y va ? Ah, vous n'avez pas encore songé à votre mort, c'est ça ? Oh, pute bonne ! Pensa le lieutenant Collier. Pour tout vous dire, non. Il me semble que dans l'immédiat, j'ai autre chose à penser de plus... De plus important ? Voilà. Tout ce qui remplit notre modeste existence n'est là que pour nous faire oublier qu'elle a une fin. Ah. Ce n'est pas moi qui l'affirme. C'est Pascal. Pascal ? Ah, le barman du Saint-Jean ? Blaise Pascal, le philosophe. Il a quelques vues très intéressantes sur la condition des pauvres êtres que nous sommes. Les fameuses pensées, vous savez. Selon lui, notre farouche besoin de nous divertir tient essentiellement au fait que nous refusons notre mort. Sort inéluctable s'il en est, mais dont la seule idée nous est intolérable. S'occuper l'esprit, penser à autre chose à tout prix, pour ne surtout pas penser à ça. Oh putain de pute borgne. Pensa le lieutenant Collier. Observez bien ce paysage. Observez ce lac. Ici, on doit passer de vie à trépas comme on passe du gris au gris, sans même s'en apercevoir. Vous êtes une pierre de rien du tout. un minuscule caillou qui se décroche et roule le long de la berge, tombe dans cette eau calme et sereine et s'y enfonce lentement, irrémédiablement. Quelques infimes ondulations sur la surface et puis plus rien. Vous n'existez plus. C'est rassurant quelque part, cette douceur dans la transition, non ? Collier craignait particulièrement ces moments où Rose s'embarquait dans ses soliloques philosophico-poético-mélancoliques. Il esquissa un geste pour y mettre un terme. Ce fut comme s'il chassait une mouche. J'ai songé quelquefois. Songer à quoi ? Eh bien, à me retirer ici. Venir finir mes jours au bord de ce petit lac. Me fondre dans ce paysage anesthésiant. M'y engloutir. Préparer au mieux mon départ, quoi. Mais j'hésite, voyez-vous. Moi aussi, je repousse sans cesse. Ah, Collier. C'est si difficile de se faire caillou. Attendez. Parce que vous connaissiez cet endroit. Le cri d'un oiseau retentit dans le silence et se répercuta sur l'eau stagnante. Oui. Quand la bouche du lieutenant Collier cessa de béer, Rose posait déjà le pied sur la première marche du perron. Bonjour, lieutenant Rose, mon collègue, le lieutenant Collier. Bonjour, Jacques Revel, je suis le directeur de l'établissement. C'est vous qui avez prévenu la police ? Oui, aussitôt après avoir appelé les secours. J'ai pensé que ce serait plus sage, étant donné la personnalité du défunt. Vous avez bien fait. Le médecin a dû repartir, il avait d'autres urgences. Mm-hmm. En revanche, l'ambulance est toujours là. Ils attendent pour évacuer le corps. Je me suis permis de leur demander de stationner à l'arrière de l'hôtel, afin de ne pas perturber davantage notre clientèle. Nombreuse, la clientèle ? Nous sommes en période plutôt creuse, mais nous avons tout de même quelques habitués. Souhaitez-vous que je les rassemble dans le grand salon ? Là, je crois que vous confondez. Je confonds ? Moi, c'est Rose, pas Hercule Poirot. Oui, naturellement. Collier. Et la femme ? Madame Brahms ? Où est-ce qu'elle est ? Dans le petit salon, elle vous attend. Comment elle réagit après ce qui est arrivé ? Eh bien, autant qu'il est possible de s'en rendre compte, Madame Brahms semble assez bien tenir le coup, comme on dit. Pas de crise, hein ? Pas de larmes ? Pas en notre présence, en tout cas. Faut croire qu'elle le maîtrise, hein ? Jusqu'ici, en effet, Madame Brahms s'est comportée avec beaucoup de courage et de dignité. De la dignité ! Oh, ça me plaît, ça. Voulez-vous que je vous conduise à elle ? Non, pas maintenant. Le mort, d'abord. Entendu. Si vous voulez bien me suivre. C'était la première fois que le couple séjournait dans votre établissement ? À ma connaissance, oui. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé, monsieur Revel, avec la plus grande précision possible. Eh bien, nous ne savons pas grand-chose, en réalité. Monsieur Brahms et son épouse avaient réservé une chambre pour deux nuits. Ils sont arrivés vendredi dans la matinée et depuis, ils ne sont plus descendus. Je voulais dire qu'ils ne sont pas sortis de leur chambre depuis deux jours. Tout à fait. Maman, pas pour manger. Non. Suivez-moi. Nous servons également les repas dans les chambres. Madame Brahms en a commandé par téléphone à trois reprises. Madame ? Monsieur Brahms lui-même n'a jamais appelé ? Sur ce point, je ne peux pas vous répondre avec certitude. Il faudrait demander à Henri, notre réceptionniste. Vous voudrez bien le prévenir que nous descendrons lui parler tout à l'heure ? Très bien. Et dans la foulée, nous parlerons aussi avec la personne qui a monté les repas au Brahms. Franck, je lui demanderai de rester également à votre disposition. Merci. Je vous en prie. C'est ici. Les deux hommes, précédés du directeur de l'hôtel, poussèrent la porte de la chambre numéro 19. Sur le lit gisait le cadavre de Georges Brahms. Était-ce un sourire sur ses lèvres déjà froides ? On le croirait. Pas vrai ? Hein ? Si, si, un sourire, je vous dis. Un sourire de bienheureux. Personne n'a rien touché à l'intérieur de la chambre ? Je ne pense pas. Hormis le médecin qui a examiné le corps. Le lieutenant Collier se détourna et commença à faire le tour de la pièce, les mains dans le dos et la tête légèrement en arrière, comme s'il humait l'air de son appendice proéminent. Puis il revint aux côtés de Rose. Vous sentez? Je sens. L'odeur de l'amour. L'amour? Vous appelez ça comme ça, vous? Ça sent le sacre, ouais. Et pas qu'un peu. Si vous voulez mon avis, c'est de là où ils passaient tout leur séjour à s'envoyer en l'air. Au septième ciel? Ce qui pourrait expliquer l'expression de félicité de notre homme. Ce qui pourrait surtout expliquer sa mort. Et ça alors? C'est quoi ce truc? Le lieutenant Rose ne prit même pas la peine de se pencher pour voir ce que son collègue indiquait, l'objet étant aussi visible que le nez au milieu de la figure. Se pouvait-il que Collier ne l'eût pas encore remarqué? C'est un fauteuil roulant, lieutenant. Je vois, merci. Mais qu'est-ce que ça fout ici? Cela appartenait à George Brahms et lui servait vraisemblablement à se déplacer. Quoi? Vous voulez dire que Brahms était... Paralysé, oui, des deux jambes, suite à un accident de voiture il y a une petite dizaine d'années. S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser seuls? Bien sûr. Je vais prévenir les membres du personnel que vous souhaitez interroger. C'est ça. Et dites aussi aux brancardiers qu'ils vont pouvoir embarquer le corps. Je n'y manquerai pas. Que se passe-t-il? Ce qui se passe. Ce qui se passe. Ça, vous ne me l'aviez pas encore fait, lieutenant Rose. Quoi donc, lieutenant Collier? Le coup du fauteuil roulant. D'accord. J'aurais peut-être pu ou dû passer un coup de fil à Ledin avant de partir. Mais ce n'est pas une raison pour me cacher systématiquement toutes les infos que vous possédez. De quoi j'ai l'air, moi, maintenant, dans cette histoire? D'un jockey qui s'apprête à courir le prix d'Amérique et s'aperçoit, au moment de monter en selle, qu'il l'a oublié. Oublié quoi? Sa selle. Dites plutôt son cheval. Merde, Rose. Ce fauteuil est un élément capital dans cette affaire. Je dirais même que ça change tout. Précisez votre pensée, lieutenant. J'y viens, lieutenant. Certes, Déborah, c'est quoi au juste? Une naine? Une hijambiste? Une femme tronc? Je vous ai dit qu'on ne savait rien sur elle. Eh bien, vivement qu'on sache. Parce que si elle n'est pas un phénomène de foire, il n'y a pas 36 autres possibilités. Il n'y en a que deux. C'est soit une sainte, soit la plus perverse des criminels. Intéressant, lieutenant. Continuez. Je continue, lieutenant. Vous savez ce que ça représente de s'occuper d'une personne handicapée? La somme de travail, de courage, d'abnégation qu'il faut pour vivre avec au quotidien. Ça doit déjà être difficile quand vous y êtes obligé, quand ça vous tombe dessus sans prévenir. Mais si on me dit que ce n'est pas le fait du hasard ou de la fatalité, que c'est purement et uniquement un choix, alors là, je n'y crois plus du tout. Choisir d'épouser un infirme? Choisir de passer le restant de vos jours à ses côtés? Non. À moins d'avoir l'assurance que sa vie à lui ne sera pas bien longue. Silence. Le lieutenant Collier chercha dans les yeux de son collègue un assentiment, voire un soupçon d'admiration pour ce raisonnement, d'après lui, irréfutable. Il fut vite douché. Et l'amour, lieutenant? Oh, pute borgne. Pensa Collier. L'amour, vous n'en faites pas grand cas, il me semble. À vos deux prétendues possibilités, vous feriez mieux d'en ajouter une troisième. Entre sainte et criminelle, insérez donc femme amoureuse. Et vous serez sans doute plus proche de la vérité. L'amour? Oui, lieutenant Collier. L'amour qui est tout sauf un choix, qui est ou qui n'est pas, point final. Et lorsqu'il est, nous savons, je sais, qu'il peut déplacer les montagnes. Alors un malheureux fauteuil roulant, vous pensez? Parce que, selon vous, une femme, normalement constituée, ne pourrait s'éprendre d'un homme physiquement diminué. D'un infirme, comme vous dites. C'est bien mal connaître la nature humaine, lieutenant. Et celle de la femme en particulier. Et la flamme qui peut l'animer. Et la passion qu'elle est capable de développer pour un homme, qu'il soit jeune, vieux, valide ou impotent. Oh putain de pute borgne. D'accord. Mettons qu'une femme puisse tomber amoureuse d'un paralytique et avoir envie de l'épouser. Mais permettez-moi quand même de douter de la sincérité de ses sentiments quand le paralytique en question se nomme George Brahms, qu'il pèse plusieurs milliards et qu'il trépasse au bout de quelques mois de mariage avec, pour unique témoin, sa future veuve. Douter, lieutenant, douter, c'est la base même de votre profession. Mais douter équitablement, dans un sens comme dans l'autre, en n'oubliant jamais votre motivation première, que la justice soit. Rose? Oui? Vous pensez qu'elle l'a tué? Je ne pense rien. Si, vous le pensez, j'en suis certain. Vous pensez la même chose que moi. Elle l'a fait d'une manière ou d'une autre. Peut-être en l'épuisant tout simplement, en le vidant de ses forces. En lui faisant l'amour jusqu'à ce que son cœur lâche, pourquoi pas. Ça s'est déjà vu. J'ignore de quelle façon, tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a fait. Et vous le savez aussi. Le lieutenant Rose marcha lentement jusqu'à la fenêtre et laissa errer son regard sur le corps d'abord. George Brahms, un mort heureux, souriant aux anges ou à Dieu sait qui. Sur le fauteuil roulant ensuite, puis sur le lac dehors. L'eau sombre, opaque. Comment savoir sous la surface ? Possible, Collier, possible. Resterait quand même une question. Au moins une. Pourquoi ? Dois-je faire entrer notre bagagiste à présent ? Oui, s'il vous plaît. En fait, vous savez où est passé mon collègue ? Il me semble avoir vu en compagnie des ambulanciers tout à l'heure. Vous voulez que j'aille le chercher ? Non, laissez tomber. Bien. Franck, approchez, Franck. Le lieutenant Collier veut simplement vous poser quelques questions. À nous, jeune homme. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, Franck, c'est bien vous qui avez monté les repas aux Brahms dans leur chambre, à 3 reprises. Oui, monsieur, c'est moi. Comment les avez-vous trouvés lors de ces différentes visites ? Comment ça ? Quand vous êtes entré, la première fois, par exemple, qui vous a ouvert ? Qu'était-il en train de faire ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Tout, quoi. Essayez de vous souvenir. La première fois, c'est la dame qui m'a ouvert. D'ailleurs, j'ai été un peu surpris. Surpris ? Pour quelle raison ? À cause de ses yeux, monsieur. Elle vous a regardé d'une façon particulière ? Menaçante, peut-être ? Non, c'est pas ça. C'est juste que ses yeux, ils étaient violets. Violets ? Ah oui, vraiment violets, je veux dire. Comme ces fleurs, vous savez ? Les violettes ? C'est ça. Et vous avez donc trouvé ça bizarre ? Bah, un peu, oui. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y avait là dedans quelque chose de surnaturel, Franck ? Ou bien insinueriez-vous que Madame Brahms avait trop bu ? Ou encore qu'elle avait absorbé quelques substances prohibées qui auraient pu donner à son regard cette teinte étrange ? Si je puis me permettre, lieutenant, j'ai eu moi-même l'occasion de croiser le regard de Madame Brahms. Et s'il est vrai que la couleur de ses yeux peut surprendre au premier abord, je pense néanmoins que c'est Dame Nature et elle seule qui l'a lui allégué. Dame Nature ? Oh, ça pleurait à Rose, ça. Et son mari ? Son mari, il était assis dans son fauteuil et regardait par la fenêtre. Il s'est même pas retourné. C'est tout ? Oui. Non. Quoi d'autre ? Avant que je reparte, la dame m'a demandé de bien faire attention à ce qu'on les dérange pas. Sous aucun prétexte, elle a dit. Et puis, elle m'a donné un pourboire. Un pourboire ? Un gros ? Combien ? Vous pouvez le dire, Franck. On ne vous le reprendra pas, vous savez. 100 euros, monsieur. Un billet de 100. 100 euros ? Oh punaise, c'est plus un pourboire à ce niveau-là, c'est un salaire. Vous êtes sûr qu'elle ne vous a rien demandé de plus pour ce tarif ? Demander quoi de plus ? Je sais pas, moi. Peut-être qu'elle cherchait à vous amadouer. Ou à acheter votre silence. Moi j'ai juste dit que je ferais attention à ce qu'on les dérange pas, c'est tout. Elle avait l'air d'y tenir vraiment à ne pas être dérangée. Hein ? De quoi avait-elle peur, à votre avis ? Peur ? Je sais pas, monsieur. Bon, ok. Ensuite, Franck. La deuxième fois que vous êtes monté. Là, rien. Comment ça, rien ? La dame m'a rien donné cette fois-là. Ouais, d'accord. Mais comment ça s'est passé à part ça ? C'est encore elle qui m'a ouvert. Elle était en peignoir. J'ai pris le plateau vide et j'ai posé l'autre à la place. Et l'homme ? Vous l'avez vu ? Oui, il était couché dans le lit. Il dormait ? Non, il avait les yeux ouverts. Il m'a regardé. Je crois même qu'il m'a souri. Mais je suis pas sûr. Il a rien dit, il avait l'air fatigué. Ok. Et la dernière fois, Franck ? La dernière fois, j'ai tapé à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai attendu un peu, puis j'ai retapé, Mais ça répondait toujours pas, alors je suis rentré. La dame était plus là. Elle n'était plus là? Enfin, elle devait être sous la douche parce que j'entendais l'eau couler dans la salle de bain. Vous êtes allé vérifier? Non, monsieur. Vous ne pouvez donc pas affirmer que Madame Brahms était présente à ce moment-là? Ben, non. Ben, non. Et le mari? Il était là, lui, je l'affirme. Il était toujours couché dans le lit, mais cette fois, il dormait. J'ai essayé de pas faire de bruit pour pas le réveiller. Comment savez-vous qu'il dormait? Vous écoutez aux portes, vous, maintenant? Toujours, lieutenant. Toujours, c'est un principe. Alors, jeune homme? Ben, je sais pas, moi. Il était allongé, il avait les yeux fermés, comme quelqu'un qui dort. Ou comme quelqu'un qui est mort? Ah non, monsieur. Non? Pourquoi non? Ben, il avait l'air tellement... comme ma petite sœur quand elle s'endort, vous voyez? Je vois, oui. Ah, vous voyez? Innocence recouvrée, quiétude, béatitude, ataraxie. Quel âge avez-vous? 17 ans et demi, monsieur. 17 ans, merveilleux. L'âge du bateau ivre, l'âge du dormeur du Val. Vous avez raison, jeune homme. Monsieur Brahms devait dormir. Ok, c'est bon, Franck. Vous pouvez y aller. C'est fini? Pour le moment, oui. Merci, monsieur. Ouais? Quelque chose à ajouter? Excusez-moi, mais Brahms, c'est comme les jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Que dalle! Ils ont confirmé ce qu'on savait déjà. Rien d'après de plus. Néanmoins, je sens que vous campez sur vos positions concernant la veuve. Je campe, ouais. Par ici, s'il vous plaît. Ah, on va enfin voir à quoi elle ressemble, cette pauvre Madame Brahms. Le petit salon? Oui. Ne serait-ce qu'un jeu? Je vous en prie, après vous. Pas si petit que ça, en réalité, le salon. Mais désert, sans l'ombre d'une Déborah Brahms. C'est pas vrai, elle a foutu le camp. Une légère empreinte de fessier sur le velours bleu d'une bergère. Faut lire. Allez voir. Seule trace du passage de l'absente. Rose la remarque. Oh, putain, Collier s'agitait jure. Il s'élance. Rose le suit sans se passer. Cela débouche sur une terrasse. Discrète, charmante. Une table en fer, ronde, des chaises en fer autour, et la peinture blanche qui s'écaille. Et puis une balancelle qui couine sa mauvaise grâce sitôt qu'on la sollicite. Madame Brahms, je vous présente le lieutenant Collier et le lieutenant Rose. Ils souhaiteraient s'entretenir un moment avec vous. Le soleil a fait son apparition, caressant timidement les dalles en pierre. D'ici, l'on aperçoit un bout du lac. Bien, je vous laisse. Et l'on s'attend à y entendre le chant du cygne. Déborah Brahms avait tourné son visage vers eux. Des lunettes noires protégeaient et camouflaient à nouveau son regard. Le lieutenant Rose songea que si cette femme avait réellement tué son mari avec son corps, c'était une arme du crime inédite, et certainement la plus délicieuse qu'il lui était donné de voir. On dirait que le ciel se dégage. Avant tout, Madame Brahms, pourriez-vous m'expliquer ce que nous faisons ici, mon collègue et moi-même? Un préambule qui souffla Collier, mais ne provoqua aucune réaction perceptible sur la personne de Déborah Brahms. Je suppose que vous avez des questions à me poser. Des questions? Et pourquoi aurions-nous des questions à vous poser, selon vous? Parce que c'est votre métier, lieutenant. Mon mari est mort. Sa voix, lointaine, et calme, et grave, suggérait à Collier de lire Verlaine aussi, songea le lieutenant Rose. Et alors? Votre mari est décédé, c'est fort regrettable. Mais pensez-vous que nous nous déplacions chaque fois qu'une personne succombe à une attaque? Mon mari n'est pas une personne. N'était pas. Mon mari était Georges Brahms. Sans doute que dans l'esprit de policier tel que vous, cela change la donne. Et dans votre esprit à vous? Aussi. Mais certainement pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire? L'argent, J'ai épousé Georges pour sa fortune. C'est ce que vous devez vous dire? Cette femme, cette inconnue, épouse Georges Brahms, le milliardaire. Et celui-ci décède quelques mois après leur mariage. Curieuse coïncidence, non? Suffisante, en tout cas, pour venir interroger cette mystérieuse Madame Brahms. C'est un raisonnement que je peux comprendre, lieutenant. Mystérieuse, avez-vous dit? Toujours selon vos critères. Un raisonnement qui vous placerait donc autant comme principal témoin que comme principal suspect, si tant est que le décès de votre mari ne s'avérait pas totalement naturel. Vous êtes d'accord? Non. J'ai dit que je pouvais le comprendre. Je n'ai pas dit que je pouvais l'admettre. Bien, au moins les choses sont plus claires ainsi. Je préfère. Mais qu'est-ce qui est plus clair, nom de Dieu? Se demanda le lieutenant Collier. Madame Brahms, étiez-vous au courant des problèmes de santé de votre époux? Qu'entendez-vous par problème de santé? Le cœur, fragile semble-t-il. Dans le seul courant du mois dernier, 3 consultations chez le professeur Zian, son cardiologue. Vous l'ignoriez? C'est moi-même qui l'ai conduit à ses visites. Et c'est moi qui l'ai poussé à venir passer un week-end ici pour se reposer. Ce qu'il a fait apparemment. Si l'on en croit les employés de l'hôtel, votre mari et vous n'avez pas quitté votre chambre. C'est exact. Repos complet alors. Repos complet, lieutenant. Elle se fout de notre gueule, hurla intérieurement le lieutenant Collier. Pourquoi ici, précisément? Si c'était pour rester enfermé dans une chambre, il y a des hôtels plus proches de chez vous et tout aussi confortables. Déborah Brahms eut de la main un geste flou, englobant le paysage alentour. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Vous connaissiez cet endroit? Oui. Collier bouillait, mais il restait muet, étonnant de sa part. Il se mit à arpenter la terrasse. Brisant le silence et l'harmonie de l'instant, il y avait sa grande carcasse qui brassait l'air, il y avait sa trogne renfrognée et ses semelles qui claquaient sur les dalles tiédissantes. Madame Brahms, pardonnez-moi d'avance cette question, mais aimiez-vous Georges Brahms? Ah, pute borgne. Encore faudrait-il que nous soyons d'accord sur la signification du mot « aimer », lieutenant. J'ai tendance à le croire. Dans ce cas, je puis vous dire que j'aimais mon mari. Oui. Exclusivement. Éperdument. Et je l'aime toujours. Déborah Brahms ôta ses lunettes noires et plongea son regard dans celui de Rose, lequel ne put réprimer un frisson. Fatigue, tristesse. Quelque chose, en tout cas, avait terni l'éclat de l'iris, d'une couleur si particulière. Sans pour autant en altérer ni la profondeur ni la beauté. Simplement ce qui brûlait avant ne brûlait plus à présent. Ce qui vibrait, palpitait, frottait comme un archer, ce qui vivait et chantait. Tout cela avait cessé d'être. Sinon, pourquoi aurais-je accepté de devenir sa femme? Ah, putain de pute borgne. Lieutenant Collier, quelque chose à ajouter? Oui. Collier ne fit ni une ni deux et vint se planter face à Déborah Brahms. Il avait tout l'air d'un boxeur qui s'est entraîné toute sa vie et s'apprête à balancer son premier et dernier crochet sur le ring. Déborah, c'est votre vrai prénom? Oh, pute borgne. Pensa cette fois-ci le lieutenant Rose. Et vous, monsieur, c'est votre véritable nez que je vois là? Chaos direct. Bien, je crois que ce sera tout pour le moment. Rose jeta l'éponge. Il se leva, salua la femme d'un signe de tête, saisit au passage le coude de Collier, groggy, et l'entraîna doucement vers d'autres horizons. Ah, une dernière chose, Madame Brahms. Que doit-on faire du fauteuil de votre mari? On l'embarque ou vous comptez le conserver? Je vais l'emporter, lieutenant. Merci. Je préfère le garder avec moi. Vous comprenez, je pense. Le lieutenant Rose hocha la tête. Je comprends. Sommes-nous à ce point pressé, lieutenant Collier? Ah oui. Paris, 54 km. Indiquait un panneau sur le bas-côté. Le lieutenant Rose se refusa à vérifier la position de l'aiguille au compteur. En fait, j'ai pas eu le temps de vous remercier. Me remercier ? Pour le coup du cardiologue. L'effet était très réussi. J'ai bien cru que c'était le mien de cœur qui allait lâcher quand vous avez déballé ça tout à l'heure, devant votre veuve préférée. C'était dit sans la colère de naguère, sur un ton résigné qui ôta à Rose toute envie d'ironiser et le jeta dans un réel embarras. Je vous assure que je venais tout juste de l'apprendre. Pendant que vous interrogiez les employés, je suis allé passer... Passer un petit coup de fil à Leding, je parie. Bien oui, pour voir s'il avait du nouveau. C'est là qu'il m'a mis au courant pour les visites de Brahms chez le cardiologue. Et j'allais vous en informer à mon tour, Collier, je vous prie de le croire. Bien sûr. Tout ça s'est passé tellement vite. Un peu trop vite, je dirais même. Quel est votre sentiment ? On s'en fout de mes sentiments. Ah, pas du tout, au contraire. C'est là où vous faites erreur. Les sentiments, voilà l'essentiel. Ah. Comment lui dire ? Comment lui faire comprendre ? Tout. Pascal, Blaise de son prénom, et Verlaine. Et un caillou de rien du tout qui s'enfonce dans l'eau verdâtre. Et les yeux de Deborah Brahms. Le monde disparu, englouti. L'Atlantide dans cet océan mauve. La beauté seule qui demeure. Seule, si seule. L'âme coupée en deux, auto-mutilée. La moitié qui cherche la moitié. Non. Qui ne cherche plus, hélas. Qui a trouvé et perdu. À jamais. Qui le sait et se soumet. Et tant de choses encore. Vous êtes un bon flic, lieutenant Collier. Intelligent, perspicace. Vous savez réfléchir, déduire, extrapoler aux besoins, échafauder des hypothèses. De plus, vous avez... du nez. Du flair, disons. Bref, vous possédez tout ce qu'il faut pour mener rondement une enquête. C'est bien. C'est très bien. Mais... Mais, à mon humble avis, un petit quelque chose vous fait encore défaut. Cela sera vite comblé, d'ailleurs, j'en suis convaincu. Vous avez des dispositions naturelles pour le... Pour le quoi ? Le cœur. Le cœur ? Ouvrez votre cœur. Laissez-le s'exprimer. Dit comme ça, je conçois que cela paraît un tant soit peu niais. Si peu. Néanmoins, cela vous permettrait, en plus d'être un bon flic, d'être aussi et avant tout un homme bon. Lieutenant Rose, est-ce que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule ? Loin de moi cette idée, je vous assure. Ah. En quoi consiste votre boulot, Collier ? Confondre les coupables, soit. Pourquoi ? Pour que justice soit rendue et que l'ordre continue de régner. D'accord. C'est ainsi. Choix de société, voire de civilisation. Mais vous pouvez tout de même vous poser la question : quelle justice ? Quel ordre ? Ou plutôt non. Ne vous posez pas de questions. Écoutez votre cœur, justement. Il sait, lui. Je ne vois toujours pas où vous voulez en venir, mis à part au fait que je sois un salaud. Je n'ai jamais dit ça. Alors quoi ? L'aiguille du compteur n'avait pas baissé d'un pouce. Les bandes blanches défilaient comme des pages de journaux sur une rotative. Rose ne savait plus où poser le regard pour ne pas voir. Paris, 47, indiquait le panneau. Vous aviez raison. Pour Deborah Brahms. C'est bien elle qui a tué son mari. Me faites pas croire que vous en doutiez. En fait, je dirais plutôt qu'elle lui a donné la mort. Une sorte d'offrande, de délivrance. Vous comprenez ? Le lieutenant Rose risqua un œil vers son collègue et constata que non. Ah non, vous ne comprenez pas. Il glissa alors une main dans sa poche et en ressortit un canif. Un vulgaire Opinel numéro 10. Avec ça ? Qui lui brandit sous le Comment nez. C'est avec ça qu'elle l'aurait tué. Non, pas du tout. S'il vous plaît, Collier, continuez de regarder la route. C'est quoi, ce canif ? C'est le mien. Je m'en suis servi pour gratter. Gratter ? Il faut gratter un peu, parfois. Sous la surface. Bon sang, vous pourriez pas parler normalement de temps en temps ? Sans métaphore et sans tous ces salamalecs à la noix ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais allé passer un coup de fil à Ledin pendant que vous interrogez le personnel. Eh bien, je n'ai pas fait que ça, voyez-vous. Il y avait ce fauteuil en bas dans le hall. Le fauteuil roulant de George Brahms. Quelqu'un l'avait descendu. Appelez ça le flair, l'intuition ou ce que vous voudrez. Mais je me suis mis à le gratter. Le fauteuil ? Oui. Avec ce canif. Et savez-vous ce qu'il y avait sous le chrome ? Je sens que vous allez me dire de l'or. De l'or, exactement. George Brahms roulait sur l'or. Et ce n'est pas une métaphore, lieutenant. Putain. Je n'ai pas pu gratter très longtemps car le réceptionniste est arrivé et je ne tenais pas à partager cette découverte avec lui. Mais vous savez quoi? Je serai prêt à parier votre cravate Mickey contre mes œuvres complètes de Saint John Perse que chaque partie métallique de ce fauteuil est en réalité une barre d'or plein. Et mon petit doigt me dit qu'en fouillant davantage, on pourrait même dégoter quelques-unes de ces précieuses pierres dont l'humain raffole, planquées à l'intérieur des tubes, voire quelques banales liasses de grosses coupures servant à rembourrer sièges et dossiers. Putain. Eh oui. Et vous n'avez rien dit? Vous avez laissé filer la veuve? La route, Collier, regardez devant vous. Vous déconnez ou quoi? C'est carrément de la dissimulation de preuves, ça. Preuve de quoi? Madame Brahms n'aurait aucune difficulté à plaider qu'elle ignorait ce que dissimulait le fauteuil de son mari. Vous le savez aussi bien que moi. On ne tue pas pour rien. Et ça, c'est un mobile. Non. Non? Là où vous voyez preuve de crime, je vois preuve d'amour. Une bien mince compensation au regard du dévouement de cette femme et de ce que lui a coûté son sacrifice. Qu'est-ce que c'est, ces conneries? Le cœur, Collier, encore et toujours. Celui de George Brahms s'était foutu. Cet homme était condamné. À brève échéance, il était à peu près certain de subir un AVC ou autre accident de ce type. Quelque chose qui l'aurait diminué encore plus, qui l'aurait peut-être laissé à l'état de plante en pot. Vous croyez que sa femme avait envie de le voir dans cet état? Non. Et le plus important, c'est que lui non plus ne voulait certainement pas s'y voir. Alors quoi? D'après vous, elle a euthanasié? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Quel vilain mot. Je dis que Deborah Brahms a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que son mari puisse se retirer avec dignité et dans une certaine allégresse. Allégresse. Je vous rappelle que l'euthanasie est condamnée par la loi, lieutenant Rose. Quelle loi, lieutenant Collier? La grande loi de l'univers? La loi de l'amour? La loi... Celle du code pénal. On est des flics, bordel. Rien d'autre. Pas des dieux, ni même des juges. Cette femme a commis un crime. Un acte d'amour avant tout. Deborah Brahms, sainte et criminelle et femme amoureuse, les trois à la fois. Quelques kilogrammes d'or en plus ou en moins n'y changeront rien. C'est pas à vous d'en décider, ni à moi. Nous, on se contente d'arrêter les coupables. Libre à ceux qui les jugeront de les relaxer ou de leur accorder des circonstances atténuantes. Et que pourrait-il infliger à Deborah Brahms qu'elle ne subit déjà? La prison? Allons. Les barreaux, elle les a. Le noir aussi, et la solitude, et le chagrin, et l'envie d'en finir. Cette femme vient d'en prendre pour perpétuité, croyez-moi. Que vous faut-il de plus? Paris, 33 km. Elle l'a dit et je la crois. Dis quoi? Qu'elle aimait Brahms. Ça me suffit. La route, Collier, mon Dieu! C'était « Aimez-vous George Brahms » de Marcus Malt. Avec Christophe Raymond, le narrateur. Laure Lucille Simon, Deborah Brahms. Martin Amic, George Brahms. Roland Timsit, lieutenant Rose. Sofiane Kames, lieutenant Collier. Christophe Chêne, le directeur de l'hôtel. Séguir Mohamedi Henri, le réceptionniste. Philippe Chêne, Franck, le bagagiste. Et la voix de Sophie Bezard. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Jean-Richard Dufour, Pierre-Henri. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, François Christophe.